Premier livre de Samuel, chapitre 27. Mais David dit en son cœur, « Certes je périrai un jour par les mains de Saul, ne vaut-il pas mieux que je me sauve au pays des Philistins, afin que Saul n'espère plus de me trouver, en me cherchant encore en quelqu'une des contrées d'Israël, car je me sauverai ainsi de ses mains. » David donc se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et il passa vers Aki fils de Maok, roi de Gath. Et David demeura avec Aki à Gath, lui et ses gens, chacun avec sa famille, David et ses deux femmes, savoir Ahinoam, qui était de Jizréel, et Abigaïl, qui avait été femme de Nabal, lequel était de Carmel. Alors on rapporta à Saül, que David s'en était fui à Gath, ainsi il ne continua plus de le chercher. Or David dit à Aki, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce devant toi, qu'on me donne quelques lieux dans l'une des villes de la campagne, afin que je demeure là, car pourquoi ton serviteur demeurerait-il, dans la ville royale avec toi ?» Aki donc lui donna en ce jour-là Tsikla, c'est pourquoi Tsikla est demeuré au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le nombre des jours que David demeura au pays des Philistins fut 1 an et 4 mois. Or David montait avec ses gens, et il faisait des courses sur les Gesuriens, les Girziens, et les Amalécites, car ces nations-là habitaient au pays où elles avaient habité d'ancienneté, depuis sur jusqu'au pays d'Égypte. Et David désolait ces pays-là, il ne laissait ni homme ni femme en vie, et il prenait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, et les vêtements. Puis il s'en retournait, et venait vers Aki. Et Aki disait, « Où avez-vous fait vos courses aujourd'hui ?» Et David répondait, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Jeraméliens, et vers le midi des Kéniens. » Mais David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, de peur, disait-il, qu'il ne rapporte quelque chose contre nous, en disant, « Ainsi a fait David. » Et il en usa ainsi pendant tous les jours qu'il demeura au pays des Philistins. Et à qui croyait David, et disait, il s'est mis en mauvaise odeur auprès d'Israël son peuple, c'est pourquoi il sera mon serviteur à jamais.